Voilà, c'est l'intempestive. Et c'est avec Sweet Lily de Cool et Mignon Asiat que l'Intempestive introduit aujourd'hui une nouvelle émission autour des critiques de la psychiatrie, puisqu'on va aller s'intéresser avec Tiphaine Bénard à une singulière pratique du 19e siècle, la psychiatrisation des prostituées. Alors je te laisse te présenter. Bonjour, donc je m'appelle Tiphaine Bénard, j'ai 26 ans et donc je suis l'auteur des Prostituées à la Salpêtrière entre 1850 et 1914. Et tu as également une activité au Stras ? Ah, j'ai eu en fait. D'accord. J'ai eu une activité depuis la création jusqu'à il y a un an environ. Donc j'étais porte-parole et puis ça va faire pas loin d'un an que j'ai arrêté. Donc le Stras, je précise puisque je suis allée un peu vite, c'est le syndicat des travailleurs et travailleuses du sexe. C'est ça. Et donc, ouais, tu as sorti un bouquin qui est super intéressant, qui s'appelle « Les prostituées à la Salpêtrière et dans le discours médical, 1850-1914, une folle débauche ». C'est paru à l'Harmattan et c'est paru là, très récemment. Octobre 2010. Et c'est le plus étonnant, en fait, c'est que jamais dans les bouquins, soit sur la psychiatrie, soit des bouquins historiques, moi, j'avais vu émerger, en fait, cette thématique-là, sauf... ébauché très brièvement, quoi, mais toi, tu en as fait, t'as fait un travail de compilation là-dessus qui n'avait pas été fait jusqu'à maintenant, quoi. Oui, en fait, c'est assez par hasard, finalement, que je suis arrivée à traiter ce sujet-là. En fait, c'était dans le cadre de mon master d'histoire à Paris 7, sous la direction de Gabriel Louvre. J'ai commencé à travailler, en fait, sur les pratiques corporelles et médicales des prostituées au 19e. Et en fait, c'était très difficile de trouver des archives parce que la plupart des archives étaient les écrits des médecins qui, en fait, étaient des conseils ou... Enfin, en tout cas, c'était l'aspect théorique. Et en fait, on n'avait aucune archive qui pouvait prouver ou relater les pratiques des prostituées elles-mêmes, en fait. On ne savait pas si elles appliquaient ou pas les conseils des médecins. Du coup, c'était assez vain, en fait, de chercher dans cette branche-là. Et ma prof m'a conseillé d'aller voir les archives de la Salpêtrière en me disant que je pouvais y trouver des choses intéressantes. Mais pas du tout dans l'optique, en fait, de travailler ce sur quoi j'ai travaillé plus tard. Et en fait, c'est en voyant un film avec Angelina Jolie, je sais plus comment ça s'appelait, qui parlait de la psychiatrie, où en fait, elle se fait interner avec son fils. Voilà, en tout cas, c'est en voyant ce film-là, où on voit en fait très bien comment la police... se sert de l'institution psychiatrique pour en fait se débarrasser d'une femme qui est assez gênante d'un point de vue politique, que du coup ça m'a un peu ouvert les yeux et je me suis aperçue que les archives de la Salpêtrière que je regardais recelaient un nombre incroyable de prostituées et que du coup je me disais qu'il y avait peut-être, enfin bon, ça a fait tilt dans mon cerveau et je me suis dit que peut-être il y avait un lien entre la préfecture de police à Paris et la Salpêtrière. Du coup, j'ai cherché dans ce un peu plus à creuser ça, et je me suis aperçue qu'en fait, de façon tout à fait officieuse, il y avait, enfin, la Salpêtrière et tous les autres asiles, comme on appelait ça à l'époque, étaient un peu une succursale du dépôt de la préfecture de police, en quelque sorte. Mais effectivement, c'est indiqué nulle part. C'est une pratique, par contre, qui était tout à fait officielle à la fin du XVIIe et pendant le XVIIIe siècle. Ça a été aboli pendant la Révolution française. Et donc, la Salpêtrière servait de lieu d'enfermement pour les prostituées. Ça, c'était dans la loi. Mais ça a été aboli en 1791, je crois, un peu après la Révolution. Et du coup, au XIXe siècle, ça n'existe plus du tout et plus personne n'en parle. Et comment tu as choisi la période? Parce qu'elle est assez précise, 1850-1914. Qu'est-ce qui a motivé le choix de la période d'études? Bon, disons qu'en histoire, on essaie toujours de prendre enfin, des chiffres un peu ronds et des périodes qui font sens. 1850, c'est le début du Second Empire. Et c'est une période à la fois d'un point de vue de la prostitution qui est très florissante. Il y a plein de formes de prostitution différentes qui voient le jour. C'est extrêmement à la mode. Beaucoup d'auteurs écrivent sur la prostitution, Zola, Flaubert, etc. Et puis aussi dans les archives de la Salpêtrière, c'est à ce moment-là, toutes les années 50 et jusqu'à la seconde moitié des années 60, enfin de la période des années 60, c'est une période où le nombre de prostituées est le plus élevé dans les registres de la Salpêtrière. Et est-ce que tu pourrais parler justement, avant qu'on aborde plus précisément les questions qui sont liées à la psychiatrie, est-ce que tu pourrais redonner un peu le cadre dans lequel la prostitution existe à l'époque, à la fois le cadre légal, est-ce que c'est autorisé, est-ce que c'est pas autorisé, voilà, comment ça se passe à l'époque et puis tu parles aussi pas mal dans ton bouquin de différents statuts de prostituées, voilà, est-ce que tu peux parler de tout ça? En fait, la prostitution est ce qui s'appelle réglementée à l'époque, depuis le début du 19e siècle, depuis Napoléon Ier en 1904. Il y a tout un tas de lois qui sont mises en place par la préfecture de police pour réglementer la prostitution. Donc c'est par exemple l'institution d'une visite médicale obligatoire pour les prostituées, pour vérifier qu'elles ne sont pas malades. Donc si elles sont malades, elles sont traitées pour éviter de contaminer leurs clients. C'est aussi l'instauration de règles pour limiter le nombre d'horaires, enfin le nombre d'heures auxquelles elles ont droit de racoler dans la rue, pour limiter leur tenue, pour limiter leurs faits et gestes en général, le règlement sur les maisons closes, etc., etc. Donc tout ça, en fait, se met en place durant tout le 19e siècle et à partir de 1850, c'est vraiment très bien rodé. Donc il y a différentes catégories de prostituées, à la fois institutionnellement et à la fois d'un point de vue de classe sociale. Donc institutionnellement, en fait, il y a les femmes qu'on appelle encartes. Donc c'est toutes les femmes qui sont inscrites à la préfecture de police, qui ont le droit officiellement d'exercer la prostitution. Et il y a les femmes dites insoumises, donc toutes celles qui travaillent plus ou moins régulièrement dans la prostitution, mais qui ne se sont pas fait inscrire. Et la police essaie de, enfin fait une, mène une chasse aux insoumises pour essayer de les inscrire toutes sur leur répertoire afin de les obliger, de les contraindre à suivre cette visite médicale. Et au sein des filles en carte, on a deux catégories, les filles à numéro qui travaillent en maison close, en maison de tolérance, et les filles libres, enfin je crois que c'est le terme qu'on emploie, qui travaillent dans la rue et qui travaillent donc chez elles ou bien dans des hôtels ou ce genre de choses. Et d'un point de vue des classes sociales, là, il y a toutes les classes, en fait, toutes les classes sociales du 19e siècle se retrouvent dans la prostitution. Donc des femmes les plus pauvres qui travaillent dans la rue pour un service sexuel en échange d'un verre de vin ou d'une miche de pain, à celles qui ont une relation sexuelle en échange quasiment d'un hôtel particulier sur les Champs-Élysées. Donc là, on a encore une fois toutes les catégories sociales. Et toi, tu évoques aussi assez longuement justement la différence de traitement entre ces différents types de prostituées. Et ton étude, en fait, elle porte plus sur les femmes pauvres, qui sont elles plus les cibles de la police, tandis que la prostitution riche, en quelque sorte, les courtisanes, est beaucoup plus tolérée. Et elles sont moins soumises aux autres formes de contrôle que les prostituées de rue ou de maison close. Oui, effectivement, en fait, c'est très paradoxal parce que à la fois les femmes pauvres sont celles sur lesquelles on a le moins d'archives, comment dire, vraiment concrètes, dont on sait le moins de choses sur leur vie. On n'a vraiment aucune trace d'elles, aucune n'a laissé comment dire, de journal intime ou ce genre de choses, alors que sur ce qu'on appelait les grandes cocottes, les grandes horizontales, etc., les grandes courtisanes, elles, au contraire, on a beaucoup de récits de première main, on a beaucoup d'autobiographies, par exemple. Mais par contre, les femmes pauvres sont celles sur lesquelles tous les médecins, tous les hommes politiques, les juristes, etc., écrivent. Ils n'écrivent que sur ça. Pour eux, la prostitution est synonyme de pauvreté, de femmes pauvres. Et du coup, tous les contrôles médicaux, les règlements, etc., ne concernent que cette classe-là, en fait, les classes populaires. Il y a certains hommes politiques ou certains policiers qui ont cherché à mettre en place une visite spéciale pour les courtisanes. En essayant d'avoir deux types de services, deux types de cliniques, etc., pour les recevoir. Et en fait, ça n'a jamais été mis en place parce que ça fait scandale, parce que généralement, les grandes courtisanes sont les amantes des grands hommes politiques, etc. Et du coup, personne ne veut voir mettre ça en place. Ces courtisanes-là ne se soumettent pas en plus aux visites, elles ne se rendent pas au rendez-vous hebdomadaire, etc. Donc en fait, ça n'a jamais été mis en place et elles ne sont jamais inquiétées par la police, elles ne sont pas arrêtées, parce qu'évidemment, elles ne sont pas dans la rue, elles sont dans leurs hôtels particuliers. Donc d'une part, elles ne dérangent personne et en plus, elles sont peu visibles. Après Laughing Back Saloon par Six Heads, on revient à l'entretien avec Tiphaine Bénard autour du traitement médical et psychiatrique réservé aux prostituées populaires au XIXe siècle. Tu as évoqué la visite médicale sur laquelle tu pourrais peut-être revenir parce que c'est une description dans ton bouquin qui est assez hallucinante, quoi. Quelles sont les formes de contrôle, de manière plus générale, qui sont exercées à l'encontre des prostituées? Oui, alors en fait, c'est un service médical qui est mis en place dans la préfecture de police sur l'île de la Cité. Donc c'est un centre avec des policiers qui sont assermentés à la préfecture de police, donc ils sont à la fois policiers, à la fois médecins, et donc en fait les femmes sont, donc en théorie sont censées se rendre toutes les semaines pour les femmes qui travaillent dans la rue, tous les 15 jours pour celles qui travaillent en maison, je crois, d'un coup j'ai un doute, en tout cas assez régulièrement, et donc elles sont censées se rendre bénévolement là-bas, et elles sont examinées par un médecin. Donc l'examen consiste en gros à l'examen de la bouche, derrière les oreilles, aux plis de laine, le vagin, l'anus, les oreilles, ce genre de choses, pour vérifier qu'elles ne sont pas atteintes ni de syphilis, blénorragie, enfin ce genre de maladies vénériennes qui étaient très courantes à l'époque. Donc a priori, on pourrait penser que ça part d'un bon sentiment, puisque c'est pour les soigner en cas de maladie et pour éviter qu'elles contaminent tous leurs clients. Sauf que dans les faits, cette visite est très humiliante pour les prostituées. Les visites sont faites vraiment à la chaîne. Il y a certains médecins qui se vantent de voir 400 femmes dans une journée. Donc ils passent à peine une minute avec chaque prostituée. Les spéculums sont à peine lavés, donc pas du tout désinfectés entre chaque patiente. Donc évidemment, s'il y en a une qui est atteinte d'une maladie vénérienne, elle le passe à la suivante. Et puis elles sont très maltraitées, elles n'ont aucune intimité, il n'y a pas de paravent ou de choses pour se déshabiller. Les médecins sont très humiliants, les humilient beaucoup, sont très méprisants avec elles. Donc c'est complètement monstrueux comme pratique. C'est un traitement quasiment vétérinaire, quoi, des prostituées, dans les descriptions que tu cites. Et puis notamment, tu cites à un moment une personne qui a étudié ce type de visite dans les colonies, où c'est vraiment frappant que les prostituées ne sont pas traitées comme des êtres humains, mais juste comme... les médecins deviennent des vétérinaires, quoi. Oui, absolument. Et puis c'est vrai que dans les colonies, en fait, c'est les colonies françaises, donc c'est une des choses qui a été mise en place le plus rapidement par l'institution coloniale. Et donc en plus, c'est très, y a une forte composante raciste dans la mesure où les médecins sont blancs et que les prostituées étaient nord-africaines. Du coup, il y a quelque chose de très raciste en plus qui est vécu de façon extrêmement violente par ces femmes-là. D'autant que dans leur culture, le fait d'être nu devant un homme comme ça, enfin à l'époque en plus, d'une façon générale, c'était assez intolérable. Donc c'est oui, c'est très monstrueux. Et c'est assez dénoncé en fait par le public à l'époque, dénonce ces pratiques-là. Et c'est ce qui va être un peu à l'origine, à la fois en Angleterre et en France, du militantisme féministe pour faire abolir en fait ces lois-là. Ce sera ça qui va déclencher le plus la colère des féministes. Ouais, parce qu'il y a vraiment une, tu en parles, une prise de possession du corps de la prostituée par le corps médical, qui est un corps masculin, qui est un corps blanc. Oui, bien sûr. Par exemple, les prostituées se moquent beaucoup, caricaturent beaucoup cette pratique-là. Elles appellent par exemple le spéculum le phallus du gouvernement. Donc c'est très très explicite. Où elles appellent ce cabinet médical de la préfecture de police, elles appellent ça montre-tout, enfin, d'une façon générale, oui, c'est vraiment vécu comme une prise de possession sur leur corps très violente. Et après, il y a d'autres formes de contrôle dans la rue, du travail des prostituées. La police est omniprésente pour les femmes qui travaillent dans la rue, elles sont soumises à des arrestations constantes. Oui, en fait, à la fois, il y a la volonté de la préfecture de police de faire respecter le règlement, donc ce que je disais tout à l'heure sur les horaires auxquels elles ont le droit d'être dans la rue, sur leur attitude, etc. Donc ça, c'est simplement faire exécuter le règlement. Il y a à la fois la volonté de rechercher les insoumises, donc pour les mettre en carte, la volonté de rechercher d'éventuels malades pour leur faire passer l'examen médical et les enfermer à Saint-Lazare si elles sont vénériennes. Et il y a aussi, d'une façon générale, faire régner l'ordre, donc éviter qu'elles ne soient bruyantes, qu'elles soient ivres, qu'elles agressent les passants. Donc il y a tout un tas en fait, de raisons pour lesquelles la police est dans la rue. Et notamment aussi, tu parles de la naissance à l'époque, en tout cas de l'affirmation d'une police des mœurs qui va beaucoup plus loin en fait que la réglementation qui vise les prostituées et qui est aussi une manière d'indiquer aux femmes en général comment elles doivent se comporter dans la rue et ce qu'on attend également d'une femme pauvre dans la rue. Oui, effectivement, la police des mœurs est très très active au Second Empire. Donc elle ne vise pas que la prostitution, c'est en général... Donc il y a en fait chaque type d'infraction a sa brigade spécialisée. Donc il y a la brigade qui est appelée, je crois, des PD ou quelque chose comme ça, en tout cas qui s'attache à interdire les pratiques homosexuelles dans les toilettes publiques ou dans les lieux publics en général. La brigade qui s'occupe de la prostitution, la brigade qui s'occupe des exhibitionnistes, des hommes qui se masturbent dans les grands magasins où les femmes vont faire leurs courses. Enfin, il y a tout un tas en fait d'infractions aux bonnes mœurs qui sont surveillées par la préfecture de police et les policiers sont très très passionnés par ce genre de sujet, donc ils font des tas de registres avec des photos, des gens qui pratiquent les photos pornographiques par exemple, donc ils collectionnent en fait toutes les photos obscènes comme ça, pour interdire leur vente, pour interdire leur production. Ils font tout un tas de récits sur les faits et gestes des prostituées. Enfin, ils sont très friands de... Oui, on a vraiment l'impression à lire le livre, enfin, c'est l'effet aussi de focalisation sur ce sujet que tu fais, mais d'une obsession de l'époque, en fait, pour la prostitution. Il y a une abondance de discours qui sont d'une violence incroyable sur les prostituées. Oui, effectivement, c'est vrai que le 19e siècle se passionne pour la prostitution de rue en général. C'est vrai que le nombre de nouvelles qui sont écrites par des grands auteurs ou de petits qu'on a oubliés aujourd'hui, je citais tout à l'heure Flaubert, Zola, mais aussi Balzac, Maupassant, les Goncourt, etc. Ils ont tous écrit en fait sur la prostitution. Ils sont vraiment, y a vraiment une passion pour ce sujet-là. Donc, ce qui est amusant, en fait, ce qui m'a beaucoup surprise, c'est qu'à la fois, il y a une abondance de littérature, que ce soit vraiment littérature, les romans, les nouvelles, etc., ou bien la littérature scientifique, enfin, dite scientifique, la littérature médicale, juridique. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'ouvrages et une bibliographie énorme de l'époque. Et en même temps, quand on cherche, donc par exemple, ça concerne la prostitution et la syphilis, ce sont les deux grands enjeux de l'époque. Mais quand après on regarde dans les faits, par exemple, le nombre de prostituées réellement qu'il y avait à l'époque, et qu'on compare à l'importance que ce sujet pouvait avoir dans certains domaines, ça paraît finalement un peu dérisoire. Ou si on regarde les effets réels de la syphilis ou des maladies vénériennes, finalement, c'est rien du tout en comparaison à d'autres maladies telles que le choléra, par exemple, ou toutes ces maladies-là qui faisaient vraiment des ravages. La syphilis, c'est rien du tout. Et quand on regarde les ouvrages des médecins spécialisés sur les grandes maladies virales ou contagieuses, les maladies vénériennes n'apparaissent même pas ou bien sont vraiment rien du tout en comparaison d'autres. Donc c'est vrai qu'il y a à la fois, quand on est spécialisé dans la prostitution, ça paraît énorme, et quand on regarde de l'autre côté, finalement, enfin, ça m'a beaucoup surprise pendant mes recherches. What's with the ambulance? Are you doing an experiment? I have no idea as to the outcome, but I've done all I can. I've got an attempted suicide down here who's not going to make it. The cell action changeover from growth to aging. What's with the ambulance? Are you doing an experiment? I have no idea as to the outcome, but I've got an attempted suicide down here who's not going to make it. I have no idea as to the outcome, but the ambulance. Are you doing an experiment? On est toujours dans la tempestive et après cet extrait de Type Patch Anomaly par Pablo Rebo, paru au label Surrealism Phonoethics, on revient à l'entretien avec Tiffaine Bénard autour de la psychiatrisation des prostituées au 19e. Mais est-ce qu'on peut aborder maintenant plus les questions qui sont vraiment liées à la psychiatrie? Quels sont le lien entre psychiatrie et prostitution n'est pas très évident. Et quels sont les motifs, déjà les lieux, tu en as un peu parlé, mais peut-être revenir dessus, les lieux d'enfermement et les motifs officiels. Et après, on reviendra sur la question des représentations et sur tout ce que ça dit, mais les motifs officiels d'enfermement de prostituées pour raisons psychiatriques. Oui, effectivement, le lien entre prostitution et aliénation, c'est le terme qui est employé à l'époque, n'est pas évident. En fait, en lisant les travaux des médecins, vraiment des médecins non psychiatres, des médecins généralistes, il y a beaucoup, beaucoup de citations, de liens entre la prostitution et la folie. Donc pour les médecins généralistes, qui ne sont absolument pas spécialisés en psychiatrie, c'est une évidence que l'immoralité des prostituées leur cause des dégâts psychologiques et les rend folles, ou bien tarées, ou bien démentes, ou bien... Bon, il y a tout un tas de vocabulaire. Mais ça, c'est une évidence. Donc pour eux, l'immoralité égale folie. quand après on regarde chez les dans le les écrits des aliénistes de l'époque, ce qui va devenir les psychiatres et les psychanalystes, etc., ils ne parlent jamais de prostitution. Pour eux, il n'y a pas de lien, ou en tout cas très rarement. Pour eux, ce n'est pas une évidence comme chez les médecins généralistes. Après, quand on regarde les... Donc ça, déjà, c'est très étonnant. Quand on pense, par exemple, à l'hystérie, qui est vraiment décrite par tous les aliénistes comme une maladie typiquement féminine et typiquement liée à la sexualité, j'avais pensé... a priori, qu'en fait la prostitution était l'activité de prédilection pour créer de la folie et créer de l'hystérie, en fait. J'avais pensé que c'était une évidence. Et finalement, pas du tout. Ils ne font jamais, ou très très peu, référence à la prostitution dans la genèse de cette supposée maladie. Donc tout ça m'étonnait beaucoup. Et quand on regarde les archives de la préfecture de police, quand on regarde les registres d'entrée, par exemple, donc qui font état de la profession, la malade, de la patiente qui entre à la salpêtrière ou ailleurs. Le motif de la mise en asile pour beaucoup de prostituées est la débauche. Du coup, là, on retrouve le lien entre la folie et l'immoralité, précisément dans les registres de la salpêtrière, alors que dans les livres théoriques des aliénistes, ça n'est fait état nulle part. Donc tout ça est vraiment très étonnant. Et en fait, on constate qu'en fait, les personnes qui étaient en charge de décrire l'état des patientes à l'entrée dans la salpêtrière ne sont pas du tout les mêmes personnes qui écrivaient les livres théoriques et sont sans doute... sans doute croient en grande partie les récits des médecins de la préfecture de police qui leur ont décrit l'état des femmes comme étant aliénées et qu'il n'y a pas plus de recherche au début, au moment de l'internement de la femme. Et c'est souvent au bout de quelques semaines que finalement les médecins spécialistes, les psychiatres, se rendent compte que la femme qu'on a internée n'est pas du tout folle et du coup elle est libérée. Donc... la raison de l'internement de nombre de ces prostituées est due à la préfecture de police et non aux médecins de la salpêtrière, évidemment. On sent qu'il y a une vraie volonté aussi de stigmatiser déjà, en premier lieu, la pauvreté. Et t'évoques aussi comme c'est marqué sur leur dossier que soit elles sont alcooliques, soit elles sont paresseuses, soit exubérantes. Ou bien on parle aussi même une femme qui est ambitieuse, on lui attribue un délire de richesse, un délire de grandeur. C'est très étonnant, quoi. C'est une manière aussi de définir en creux les valeurs de la société bourgeoise de l'époque, qui est le travail, qui est la tempérance. Oui, absolument. Ce qui est amusant, c'est qu'en fait, les raisons d'internement varient selon les époques. Du coup, elles sont très révélatrices de ce qui est, selon l'époque et selon les critères bourgeois des médecins, une femme bien... à un moment donné du 19e siècle. Donc c'est vrai que dans les années 50, 60, c'est vraiment la débauche qui prime dans les descriptions des gens chargés de les inscrire à leur entrée. C'est vraiment effectivement la débauche, l'immoralité, l'ivresse beaucoup, la gourmandise, toutes ces choses-là sont censées révéler leur folie. Et puis ensuite, ça devient plus une débilité supposée, un idiotisme, un crétinisme, tous ces termes-là qui mêlent à la fois des critères moraux et des critères physiques de certaines maladies, mais qui en font des symptômes supposés d'une folie. Et effectivement, la pauvreté est vraiment stigmatisée et vraiment considérée comme une maladie en soi. Et vers la fin des années 80-90, le nombre de personnes internées à la salpêtrière pour la raison qu'ils sont indigents augmente énormément. Et donc en fait, c'est moins dans la volonté de soigner une personne censément folle que la volonté d'enfermer simplement quelqu'un qui n'a pas d'abri, qui est dehors et qui encombre les belles rues parisiennes. Et puis il y a le côté l'enfermement pour exubérance, il semble vraiment y avoir la volonté d'imposer le calme, toute expression qui sort un petit peu de l'ordinaire devient un motif d'enfermement, ce qui est une méthode très efficace pour faire taire tout le monde, quoi, en fait. Ouais. Oui, effectivement, il y a beaucoup de femmes. Après, quand on lit aussi les carnets qui relatent le suivi en fait des femmes qui restent longtemps à la salpêtrière, quand on voit les commentaires des médecins, donc en fait tout ce qui va dans le sens d'un apaisement, d'un calme, de l'obéissance, d'une mise au travail, toutes ces choses-là est vue d'une façon très positive. Donc les médecins considèrent que la patiente va de mieux en mieux parce qu'elle est très disciplinée, qu'elle garde la tête basse et qu'elle travaille bien dans la lingerie ou dans ce genre de choses qu'on leur faisait faire. Et tout ce qui va au contraire dans le sens de revendications, d'exubérance, de désir, de cris, d'expression, va dans le sens d'un empirement de la situation et de la maladie. Et il y a une forme de délire aussi assez particulière qui est classifiée, c'est le délire de persécution. Ouais. Et ça, t'en parles abondamment, parce que bon, de toute façon, je pense qu'il y a pas mal d'échos même pour vis-à-vis d'aujourd'hui, de la psychiatrie aujourd'hui, sur ce délire de persécution. Est-ce que tu pourrais parler de ça? Oui, effectivement, ce délire de persécution est très théorisé par les psychiatres de l'époque. Et c'est aussi une opportunité énorme, en fait, pour faire taire celles qui se révoltent contre l'internement tout à fait arbitraire dont elles ont été victimes. Donc les médecins considèrent généralement qu'elles sont victimes, enfin qu'elles se considèrent comme victimes de la préfecture de police, mais que c'est seulement dû à leur délire et à leur folie, que tout ce que disent les prostituées qui ont été maltraitées par les policiers ou bien par les médecins ensuite, ou bien qu'elles sont tout ce qu'elles dénoncent d'être enfermées contre leur gré, etc. Et simplement dû à leur délire. Alors que tu décris des rafles super fréquentes, le fait qu'une femme qui simplement sort un petit peu tôt le matin ou pour faire les courses en dehors des horaires réglementés de la prostitution peut se faire arrêter à tout moment. Oui, bien sûr. Et puis d'une façon générale, c'est valable en fait pour toutes les personnes qui étaient enfermées, que ce soit des hommes ou des femmes, des prostituées ou des non-prostituées. En fait, ce délire des persécutions, dans ce cadre-là, est vraiment, enfin, a une connotation moraliste et sexiste, mais c'est valable aussi pour les hommes qui sont enfermés contre leur gré dans un asile et qui s'en plaignent et qui finissent par en sortir et par dénoncer les pratiques des médecins qui les ont contraints à rester dans cet asile, etc. Il y a beaucoup d'écrits aussi des médecins qui dénoncent ça, enfin qui disent que les patients sont des ingrats, qu'on les a soignés et qu'en fait, ensuite ils dénoncent leur médecin et qu'ils les méprisent alors que c'était pour leur bien, ce genre de choses en fait. Ce qui est une manière, ouais, de complètement minorer la personne et de délégitimer toute prise de parole qu'elle pourrait faire. Oui, absolument. Et c'est vrai que les pratiques psychiatriques de l'époque sont vraiment effroyables. Quand on lit les descriptions des diverses façons de traiter la folie, les bains glacés pendant des heures et des heures, toutes les techniques visant à impressionner le malade en l'effrayant, en le jetant dans une mare, en le faisant tourner sur des chaises à très grande vitesse, enfin, toutes ces choses sont complètement, en leur brûlant la nuque ou le front ou des choses comme ça, enfin, c'est complètement épouvantable. Il y a des récits d'infirmiers censés surveiller les malades quand ils prennent leur bain et avec des erreurs d'eau et avec des gens qui sont complètement ébouillantés et qui cuisent dans leur baignoire. Enfin, il y a des choses vraiment effroyables. Et les médecins nient tout en bloc en disant que la psychiatrie fait des progrès énormes, que c'est l'avancement de la culture et de la société. Mais les méthodes les plus effroyables, elles font partie, elles sont nommées de la manière la plus neutre et la plus douce qui soit, c'est le traitement moral. Oui, absolument. I'm a jet lady. Do you wanna maybe take a ride with me? I'm a jet lady, an air baby, I'm a sky pilot, a jet pirate. I like my man lean and mean. I don't like steak, but I do like me. I'm elusive, effusive, vaguely seducive, buttery and rich, something of a bitch, nice as pie, a prisoner of the sky. can. My mood is flighty, my need is nightly. Convince me, dear, that you're sincere, and I'll invite you, excite you, delight you. An electric buzz, the lady that does what and when she wants to, wine for she likes to, dresses as she pleases, tempting who she teases. I'm a jet lady. Do you wanna make delighting and ambivalent, starry-eyed convivalence, lusting for the depth of space, feeling past the human race, a high-speed conceptual creed, outlining and refining, defining and resigning. Let me chase you, erase you, replace you, toy with you and play with you and feed you and need you, won't I? I'm a jet lady. Accompagnée par Tangela Tricoli et sa Jet Lady, qui est parue sur la compilation Songs in the Key of Z, on poursuit l'entretien avec Tiphaine Bénard autour de la psychiatrisation des prostituées au 19e siècle. On a vraiment le sentiment que la psychiatrie, enfin que, alors est-ce que c'est à cette époque-là que la psychiatrie se fonde sur une médicalisation justement de la morale de l'époque? Oui, oui, effectivement, c'est vrai qu'il y a ça c'est la chose qui m'a vraiment intriguée pendant toutes mes recherches, c'est vraiment le lien énorme en fait qu'il y a entre bonne santé et bonne moralité. Et mauvaise santé et immoralité. Et bon genre, tu dis aussi. Oui, effectivement, c'est vrai qu'il y a un lien aussi pour les femmes, en fait, celles qui ne correspondent pas aux idéaux de genre de la féminité, sont vraiment considérées comme des femmes immorales et forcément malades. Et la psychiatrie joue à ce moment-là un rôle, c'est une forme de poursuite, de prolongation et d'aggravation de l'action policière dans les rues. Oui, oui, effectivement. Parce que c'est vrai que officiellement, en fait, il y a deux institutions principales. Il y a la préfecture de police avec les prisons et le dépôt, qui est la salle d'attente, en quelque sorte, des prisons. Et il y a la prison, l'hôpital prison Saint-Lazare, qui est donc le lieu où il y a des infirmeries qui sont dévolues au traitement des maladies vénériennes. Donc officiellement, il y a seulement ces deux institutions-là, sauf que dans les faits, on constate que la salpêtrière, quand même, est un relais de l'institution de la préfecture, et qu'elle sert à pallier en fait, le manque de place dans les prisons et dans l'infirmerie Saint-Lazare. Et puis surtout que c'est un endroit assez commode, parce que les femmes étaient énormément droguées, en fait, comme aujourd'hui, avec des médicaments pour de l'opium, etc., pour qu'elles soient calmes, qu'elles ne se révoltent pas contre les infirmiers. Et du coup, c'est aussi un moyen d'y enfermer des femmes en les oubliant complètement et qu'elles fichent la paix à tout le monde. Parce qu'elles ressortent au bout de combien de temps, en général, de l'enfermement psychiatrique? En fait, c'est très variable, et c'est variable aussi selon les périodes. pour certaines femmes qui ont été simplement, enfin qui étaient complètement ivres et qui ont été jugées aliénées par les médecins de la préfecture, finalement sortent très rapidement de la salpêtrière parce que les aliénistes s'aperçoivent qu'elles sont pas aliénées, qu'elles étaient simplement ivres, et au bout de quelques jours ou une semaine, elles sont relâchées. Pour d'autres, soit c'est dû à une réelle pathologie, soit c'est dû au traitement qu'elles vont suivre de choc électrique ou bien de drogue, etc. Il y en a certaines qui vont y rester quelques années, voire plusieurs dizaines d'années. Il y en a certaines qui vont y passer toute leur vie et y mourir. Donc c'est vraiment très variable. Mais ce qui est sûr, c'est que plus le 19e siècle avance, jusqu'à la fin du 19e siècle, les périodes d'internement sont assez courtes. Vraiment, dans les années 90, les périodes sont assez courtes, mais assez répétées aussi. Donc on voit certaines femmes qui restent une semaine, qui sont relâchées, et qu'on retrouve 2 mois plus tard pour à nouveau une semaine, puis qu'on retrouve 1 an plus tard, etc. Et il y a aussi cette description qui revient régulièrement, c'est que les personnes sont enfermées en quelque sorte de manière préventive parce qu'elles pourraient commettre, non pas parce qu'elles ont commis un crime particulier ou qu'elles ont eu une expression qui est considérée comme maladive, voilà, et qui crée un danger pour les autres, mais il y a cette expression que les personnes sont en puissance de criminalité. Oui, effectivement, il y a une... D'une façon générale, en fait, on sent la volonté des aliénistes de prévoir le danger pour les femmes elles-mêmes, ou bien pour le danger qu'elles pourraient faire encourir à la société en général, ou bien à leur famille, ou bien à leurs époux, ou bien à leurs clients. D'une façon générale, on sent vraiment que les prostituées sont une sorte de bombe à retardement et qu'elles pourraient créer du désordre, de la maladie, du danger, de la débauche, de l'immoralité. Elles semblent vraiment très contagieuses et très dangereuses. Oui, il y a une peur de la contagion avec tout un tas de métaphores qui apparaissent, comme la syphilis morale, qui semble jouer un rôle tout aussi important, en fait, et même que la crainte de la contagion physique, de maladies vénériennes, est plutôt là comme prétexte, en fait, de l'enfermement et du contrôle. Oui, oui, effectivement, la syphilis est vraiment un prétexte, comme tu dis, pour lutter contre la débauche, pour lutter contre l'immoralité, pour lutter contre l'adultère, pour lutter contre la dissolution des familles et tout ce genre de... Enfin, tous ces thèmes-là. Je crois que c'est Corbin qui parlait d'une affiche, Alain Corbin, qui parlait d'une affiche qui avait été placardée, je sais plus exactement, je crois dans les années 60, 1860, au sujet de la syphilis. Et le but de... Je crois que c'était le gouvernement qui avait fait placarder ces affiches-là. Et le but avoué était vraiment d'effrayer les classes populaires au sujet du sexe en général pour éviter que les hommes ne rapportent la syphilis dans leur foyer, contaminent leurs femmes, leurs enfants, etc. Puis il y a une volonté aussi de réglementer beaucoup plus largement la bonne pratique sexuelle. En fait, tu cites des médecins qui te disent le nombre de relations sexuelles qu'il faut avoir par semaine. Oui, effectivement. Ça, c'est vrai que j'ai l'impression que ça touche encore plus les hommes que les femmes, ce type de réglementation-là. De toute façon, les femmes ne sont pas censées décider quoi que ce soit. Elles ont un rapport sexuel quand on leur demande. Mais c'est vrai que les médecins leur conseillent à la fois, il ne faut pas d'abstinence complète parce que c'est mauvais, il faut quand même évacuer le sperme et ce genre de trucs. Mais par contre, il ne faut pas trop non plus abuser de la sexualité, donc il y a vraiment un juste milieu. Alors la sexualité est censée être avant tout procréative, mais aussi un petit peu récréative, mais pas trop. Il ne faut pas trop se fatiguer, il ne faut pas trop le faire avant de se coucher, ça empêche de dormir, pas trop à telle journée. Enfin, voilà, il y a tout un tas de prescriptions comme ça. Mais c'est pas très loin, en fait. Enfin, je sais pas si on a beaucoup évolué, parce que dans le DSM, qui est la Bible des maladies, qui est notamment utilisée aujourd'hui, il y a tout un tas de pratiques ou d'identités sexuelles qui sont considérées comme déviantes et à traiter avec telle ou telle molécule. Oui, oui, complètement. Puis c'est vrai que le Viagra et tous les écrits des sexologues aujourd'hui sont assez effrayants aussi, parfois, dans leur normativité, dans leur façon d'édicter des grands principes sur la bonne sexualité et la mauvaise sexualité. Les femmes prostituées, enfin d'ailleurs ça on n'en a pas parlé, mais tu dis notamment que les contrôles sont beaucoup moins exercés à l'encontre des hommes prostitués, notamment la visite médicale. Il y a un tollé à l'époque. En fait, la prostitution masculine existe évidemment, comme elle a existé à toutes les époques, mais elle ne fait pas du tout partie des règlements, elle n'est pas réglementée. Parce que d'une façon très générale, les médecins et les juristes l'expriment très clairement, la réglementer signifierait la reconnaître et du coup la légitimer et du coup ça les effraie beaucoup et ils ne veulent pas ça. Donc en fait ils font comme si elle n'existait pas et ils arrêtent les hommes qui sont vraiment considérés comme des homosexuels. Mais d'une façon assez générale, en fait, que ce soit dans le cadre d'un rapport prostitutionnel ou un rapport gratuit, il n'y a pas de regard sur la prostitution masculine, il y a très très peu d'ouvrages dessus, ça ne les intéresse pas du tout, et puis en plus, généralement, ces hommes sont considérés comme étant un peu à part de la société, ils ne voient pas le lien que ça pourrait, le danger qu'il pourrait y avoir pour la société. Par exemple, à propager la syphilis dans leur foyer, ils sont censés être uniquement homosexuels et ne pas... Bon, en tout cas, ça pose pas vraiment de problème, c'est censé... Ça devrait ne pas exister, mais puisque ça existe un petit peu, on fait comme si ça n'existait pas. On sent, à contrario, qu'il y a une inquiétude très forte vis-à-vis des femmes prostituées et qui sont décrites d'autant plus violemment que justement elles suscitent cette inquiétude dans... elles perturbent l'ordre bourgeois, elles perturbent l'ordre du genre et tu cites en fait des descriptions de médecins qui disent carrément que elles ce sont des singes ou bien qu'elles ne sont ni hommes ni femmes. Oui, effectivement, les femmes au contraire sont... Enfin, c'est pour ça aussi qu'elles fascinent autant et qu'elles suscitent autant de littérature. Elles sont vraiment très, très potentiellement dangereuses, en fait, pour l'ordre bourgeois, pour l'ordre du genre. Elles sont, par exemple, il y a beaucoup, beaucoup de femmes populaires qui font quand même beaucoup plus d'argent avec la prostitution qu'avec un travail en usine ou ailleurs. Elles sont quand même au contact de beaucoup d'hommes, des hommes souvent de classe qui leur sont supérieurs. Enfin supérieure à la leur, et du coup il y a vraiment ce contact entre les classes sociales, entre des femmes pauvres et des hommes plus riches, qui est assez effrayant pour les bourgeois, qui semble tout à fait transgressif et potentiellement dangereux pour l'ordre, et pour toutes ces raisons là en fait elles sont vues vraiment comme dangereuses. Oh, I see elves. Let's take a walk on the moon. Come on, come on, come on. Every time I take a trip, I'm sure to meet my friends. From the sky they fly high, this is hello from them. Moo moo moo moo moo moo moo moo moo moo moo moo moo moo moo moo moo moo moo. As I was walking on the moon, I met a little cow, and this is what she said to me. As I was walking on the moon, I met a little chickadee, and this is what she said to me. Da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da. And that's what she said to me. Et après ce Walking on the Moon de Lucia Pamela, toujours sur la compilation Songs in the Key of Z, on revient terminer l'entretien avec Tiffaine Bénard, autour du traitement psychiatrique des prostituées au 19e siècle. Et elles se sont, y a eu des modes d'organisation des prostituées à l'époque pour se défendre soit contre la police, soit justement contre l'enfermement psychiatrique. Contre l'enfermement psychiatrique, non, j'ai jamais entendu quoi que ce soit. Contre l'enfermement à Saint-Lazare, dans l'hôpital prison, énormément, mais de façon très sporadique et très, limitée en nombre. Il n'y a jamais eu de grosses organisations. Il y a eu quelques révoltes à certaines années. Alain Corbin en parle pas mal dans son ouvrage. Donc certaines femmes se sont rebellées contre leur enfermement dans cette infirmerie. Parce qu'en fait, donc, on parle d'hôpital prison parce que c'était un hôpital où elles étaient soignées contre la syphilis ou d'autres maladies vénériennes, mais où elles étaient enfermées sur demande de la préfecture de police. C'est-à-dire qu'elles n'avaient pas le droit de quitter l'hôpital tant qu'elles n'étaient pas guéries. Si elles étaient guéries, si elles sortaient sans être guéries, elles étaient recherchées par la police. Donc c'était une vraie prison. Donc il y a beaucoup eu de révoltes. Mais c'était, à chaque fois, c'était une dizaine de femmes qui cassaient tout et qui s'en allaient. Ça n'a jamais été plus loin. Et que du coup, après, t'es de nouveau arrêtée pour excentricité. Voilà. Absolument. Et dans ces cas-là, c'était généralement assez violent. C'était des rafles vraiment avec des petites camionnettes. Les policiers se jetaient sur elles, les tabassaient. Enfin, comme on peut voir aujourd'hui, de toute façon, on a certaines pratiques policières. Mais donc, il y avait des femmes qui étaient complètement effrayées, qui se jetaient par la fenêtre pour éviter d'être arrêtées par la police. Enfin, les récits des journalistes ou bien des féministes de l'époque sont assez effrayants. Et justement, est-ce qu'il y a des mouvements dans l'opinion publique de protestation, en fait, contre le traitement qui est fait aux prostituées et contre la psychiatrisation de leur activité et puis de leur manière de vivre? En fait, la psychiatrisation n'est pas vraiment dénoncée. Il y a un courant de l'opinion publique qui est très opposé à la psychiatrisation et qui va lutter contre la loi sur les fous et les folles, qui est mise en place au début dans les années 30, en fait, 1830. Donc pendant tout le 19e siècle, l'opinion publique, une part de l'opinion publique est opposée à cette loi-là, et la loi sur les aliénés va être mise en question pendant tout le 19e siècle sans être changée, et ne sera changée que dans la seconde moitié du 20e. Ce qui va prendre 100 ans, mais ça n'a pas de lien avec la prostitution. En revanche, une partie de l'opinion publique est très opposée à la façon dont les prostituées sont traitées. C'est tout le mouvement abolitionniste, en fait, à l'origine de Josephine Butler en Angleterre et puis relayé en France par un certain nombre d'hommes et de femmes qui sont vraiment opposés à ce règlement sur la prostitution, aux manières policières, aux manières médicales. C'est l'abolition dans quel sens, en fait, à l'époque? En fait, à cette époque-là, c'est vraiment l'abolition des règlements. Donc vraiment les règlements qui imposent la visite médicale, qui imposent l'enfermement en hôpital-prison en cas de maladie, qui imposent le travail en maison de tolérance avec certaines règles, etc. Il y a certaines personnes qui veulent l'abolition de la prostitution en soi, mais c'est pas la base théorique de l'abolitionnisme. Ça le deviendra beaucoup plus tard, en fait, au XXe siècle. Et est-ce que, puisque là on arrive vers la fin de l'émission, est-ce qu'aujourd'hui, enfin peut-être tu connais, est-ce qu'il y a la persistance, en fait, de pratiques de psychiatrisation des prostituées qui se font peut-être pas de manière aussi ouverte qu'avant, mais est-ce que tu as eu, est-ce que tu as connaissance de ça ou connaissance au contraire que ça ne se pratique plus du tout? En fait, l'internement en hôpital psychiatrique, je n'en ai aucune idée. Ce qui est sûr, c'est qu'en fait, cette façon de psychiatriser la prostitution existe toujours. Par exemple, avec cette invention d'un nouveau symptôme assez récent, qui n'a pas de lien uniquement avec la prostitution, mais qui est ce symptôme post-traumatique. Bon, c'est quelque chose d'assez récent. Je crois que ça a été ajouté au DSM-4, ou 5 peut-être maintenant. En tout cas, c'est certains auteurs parlent en fait de façon complètement farfelue des supposés symptômes post-traumatiques des soi-disant victimes de la prostitution. Donc en fait, ce serait des symptômes qui seraient dus au fait que la prostitution en soi est une violence, que toutes les prostituées ont été forcées par des proxénètes, qu'elles ont toutes été violées dans leur enfance, que les pratiques des proxénètes sont le tabassage, le viol, l'enfermement dans une cave, enfin tous ces clichés qu'on connaît. Donc en fait, ces descriptions-là considèrent que le vécu d'une prostituée est forcément traumatisante, qu'elle crée des désordres psychiques, etc. Alors que pour les gens qui découvrent un peu ces questions autour de la prostitution, alors que notamment au Stras, au sein duquel tu as milité, il y a au contraire la défense en fait d'une prostitution libre, d'une prostitution comme une forme de choix que font les femmes ou les hommes. Oui, évidemment, il y a au Stras, c'est vrai qu'on essaie vraiment de faire comprendre aux gens que la prostitution n'est pas forcément synonyme d'esclavage sexuel, que le nombre de personnes qui sont victimes de proxénétisme, de violences telles que les décrivent les médias parfois, sont des cas assez rares et sont surtout très dramatisés et reflètent peu la réalité. Et ces études-là sont absolument pas scientifiques, ces études sur le syndrome post-traumatique. Elles sont vraiment très militantes contre la prostitution et c'est vraiment très énervant. c'est comme au 19e que tu as étudié, c'est l'affirmation d'un discours moral et auquel on donne un vernis médical et scientifique pour le rendre acceptable. Oui, absolument, oui. Merci beaucoup, Tiphaine Bénard. De rien. C'était un entretien avec Tiphaine Bénard, auteur aux éditions de l'Harmattan de l'essai « Les prostituées à la Salpêtrière et dans le discours médical, 1850-1914, une folle débauche ». Cette émission sera rediffusée samedi à 1h sur Radio Galère 88.4 et elle sera mise en ligne sur www.intempestive.net où vous retrouverez toutes les références qu'on a évoquées, ainsi que le titre et éventuellement le lien vers les morceaux qui ont parsemé cette émission, puisque la plupart sont issus de net labels, c'est-à-dire de musique libre. Et en fond sonore en ce moment même, c'est Panix par Adef, qui est paru sur la compilation Avant-Garde Masterpieces. Monsieur Artaud, cette radiodiffusion a dénoncé un certain nombre de saletés sociales officiellement reconnues et recommandées.